الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre du savant Hanbali, Abu al-Wafa, Ali ibn Aqil, rahimahullah ta'ala, intitulé « Fusulun fil adab wa makarim il akhlaq » chapitre sur les politesses et les nobles caractères. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir, incha'Allah ta'ala, certaines politesses liées aux assises et aux discussions avec les gens. Il a donc dit, rahimahullah, « Faslun wa yanbari lil insan » ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. Il dit donc, rahimahullah, il convient à l'homme de ne pas se mêler, de ne pas se joindre aux confidences des gens, ni à une discussion à laquelle ils ne l'ont pas convié. C'est-à-dire que lorsque tu vois deux personnes qui se sont mises à l'écart pour discuter, alors il est détestable et il n'est pas convenable que tu t'approches d'eux sans leur permission et leur autorisation. Et de la même manière, il ne convient pas que tu t'approches d'eux ou que tu t'assoies à proximité d'eux alors que tu as constaté qu'ils sont en train de s'entretenir et échanger des paroles et des confidences. Et tu ne te joindras à eux que s'ils te convient à cette discussion. Et ils ont mentionné comme preuve à ce sujet un récit que l'on rapporte de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui était en train de s'entretenir avec un homme. Alors Saïd ibn Abi Saïd s'est joint à eux. C'est alors qu'Ibn Umar a frappé sa poitrine et lui a dit « Si tu vois deux personnes en train d'échanger des confidences, en train de s'entretenir, alors ne te joins pas à eux si ce n'est avec leur permission. » Ceci fait donc partie des politesses qu'il convient aux musulmans d'adopter. Puis le cheikh, rahimahullah ta'ala, d'ajouter « Wa la yajouz al-istima'u ila kalami qawmin yatasararoun » et il n'est pas permis d'écouter les paroles de gens qui échangent des confidences, qui s'entretiennent secrètement. Il n'est pas permis d'écouter leurs paroles. Si une personne s'est mise à l'écart pour discuter avec une autre, tu n'as pas le droit de chercher à écouter ce qu'ils disent. Si une personne s'enferme dans une pièce pour discuter, tu n'as pas le droit de t'approcher de la porte pour chercher à écouter la discussion. Ceci est interdit et cela fait même partie des grands péchés. En effet, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui écoute la conversation de gens contre leur gré, alors on lui versera du plomb fondu dans son oreille au jour de la résurrection. » Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et vous voyez que ceci est un avertissement sévère contre le fait d'écouter les conversations des gens contre leur gré. À l'exemple de ce que l'on a mentionné, le fait de les écouter secrètement derrière une porte, ou derrière un mur, ou un buisson ou autre, ou en utilisant les moyens modernes de communication, à l'aide du téléphone ou autre, ou en fouillant dans les conversations sur le téléphone, en lisant les messages qui ont été échangés ou en écoutant les messages vocaux. Tout ceci est interdit. Tu n'as pas le droit d'écouter les conversations des gens contre leur gré, comme le démontre explicitement ce hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَنْ تَلَفَّتَ فِي حَدِيثِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَوْدِعِ لِحَدِيثِهِ يَجِبُ حِفْظُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَلَفُّتَهُ يُعْطِي التَّفَلُّتْ وَالتَّفَزُّعِ. Il dit, celui qui tourne sa tête lorsqu'il discute. Il se peut qu'une personne s'adresse à une autre, et qu'avant de parler, elle se retourne pour voir s'il n'y a personne en train de l'écouter. Elle regarde derrière elle, à droite et à gauche. Donc celui qui fait cela, qui tourne sa tête, pendant qu'ils discutent, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, il confie alors ses propos tel un dépôt. Cela signifie que ce qu'il est en train de te dire, c'est tel un dépôt qu'il te confie. Il est obligatoire de le garder, de le préserver, de garder son secret. Et ce car, le fait qu'il se tourne, nous démontre que il y a eu un certain empressement et une certaine crainte. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler et peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas, au préalable, pris la précaution de vérifier qu'il était seul avec toi. Et qu'il n'a pas pris le temps de te dire que ce dont il va t'informer, il tient à ce que cela reste secret. Donc il commence à parler puis il se retourne pour s'assurer que personne ne l'entend. On rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, dans lequel il est rapporté, si un homme est en train de discuter puis qu'il se tourne, alors ceci est un dépôt. Cette discussion est un dépôt, car il se tourne par peur qu'on ne l'entende. Et ceci indique que ce qu'il est en train de te dire est un secret. Tu n'as donc pas le droit de divulguer son secret. Et certains savants ont même dit que le terme « thumma al-tafata » qui est venu dans le hadith, que l'on a traduit par « puis qu'il se retourne », ils ont expliqué ce verbe par « thumma sarafa » puis qu'il part. C'est-à-dire qu'il discute avec toi et qu'il t'informe d'une chose, puis qu'il part. Alors c'est un dépôt. Et il ne convient pas de rapporter ce qu'il t'a mentionné. Et selon cette explication, toute parole que la personne prononcerait serait un dépôt. Et selon la première explication, s'il se tourne, cela signifie que toute parole que te confie une personne, en laissant apparaître certains signes te démontrant que ceci est un secret, alors cette parole est un dépôt que tu n'as pas le droit de divulguer. Ce n'est pas une condition que la personne te dise « ne le dis à personne ». Ceci reste entre toi et moi. Cela n'est pas une condition. Il se peut que quelqu'un, par exemple, te téléphone et avant de commencer la conversation, il te demande « est-ce que tu es seul ?» Cette parole « est-ce que tu es seul ?» t'indique que ce qu'il va te dire, il souhaite que cela reste entre toi et lui. Donc cette conversation qu'il va tenir avec toi, c'est un secret que tu n'as pas le droit de divulguer. Et tu dois préserver ce dépôt. Tu n'as pas le droit de le trahir. Et beaucoup de personnes ont dû laisser aller à ce sujet aujourd'hui. Son frère vient et lui confie un secret. Il l'informe d'une chose et il se peut même qu'il lui dise explicitement « ne le dis à personne ». Aussitôt séparé de son frère, il s'empresse de prendre son téléphone, d'en appeler un autre, d'envoyer un message à un autre et ainsi de suite. Et nombreux sont ceux à agir de cette manière. Et ceci nous démontre que nous avons grand besoin d'apprendre les politesses et le bon comportement. Car nous souffrons de nombreux manquements à ce sujet, en raison de notre ignorance et de notre manque d'éducation. Ceci était donc quelques politesses liées aux discussions et aux assises. Et avant de passer au passage suivant, on va lire un passage de ce livre qui va venir dans quelques lignes, mais je trouve profitable de le réunir avec ce que l'on vient de lire étant donné que cela a un lien avec le sujet. Il a donc dit quelques lignes plus loin, « Faslun wa yahrumu an yatanaja thnan duna thalith li'annahu yujibu ihashan wa kasra al-qalb » Et il est interdit que deux personnes s'entretiennent en s'isolant sans la troisième, c'est-à-dire sans la troisième qui est avec eux. Et ce car cela provoque un malaise et cela brise le cœur. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici il aborde la question que l'on vient de traiter mais dans l'autre sens. On a vu qu'il n'était pas permis de se mêler aux confidences des gens et d'entrer dans une discussion à laquelle nous n'avons pas été conviés. Ici c'est l'inverse. Vous êtes trois ou plus et vous vous isolez d'une personne du groupe. Une seule personne. Vous la mettez de côté. Alors qu'elle est avec vous. Et vous tenez une discussion secrète sans la joindre à vous. Ceci est interdit. La preuve à ce sujet est le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous êtes trois, alors que ne s'isolent pas deux d'entre vous sans le troisième, et ce jusqu'à ce que vous vous mélangiez aux gens afin de ne pas l'attrister, c'est-à-dire afin de ne pas attristé le troisième. Et les gens de science ont expliqué que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous êtes trois, cela est valable aussi si vous êtes plus nombreux. Si vous êtes quatre, que trois d'entre vous ne s'isolent pas sans le quatrième. Si vous êtes cinq, que quatre d'entre vous ne s'isolent pas sans le cinquième, et ainsi de suite. Ce qui est visé est de ne pas mettre une personne à l'écart de la conversation, car ceci peut lui briser le cœur et l'attrister. Il se peut que le diable lui suggère que vous êtes en train de le dénigrer, de parler à son sujet, et ainsi de suite. Il se peut aussi qu'il se sente blessé d'être isolé de cette conversation. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et les gens de science ont mentionné que l'interdiction est levée dans deux situations. La première situation est que le troisième autorise d'être isolé de cette discussion, car c'est un droit qui lui revient. Donc, s'il accepte d'être isolé et de se mettre sur le côté, l'interdiction est alors levée. Toutefois, il faut être sûr qu'il ne fait pas cela par pudeur et par gêne. Car s'il accepte de se retirer par gêne, dans ce cas-là, il est détestable de lui demander. Mais si on sait qu'il ne fait pas cela par gêne, alors il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Et on pourrait mentionner comme exemple le cas d'un père qui se trouve avec son fils et une autre personne. Et son fils a besoin de lui dire une chose personnelle. Dans ce cas-là, le père pourra demander à cette personne de se retirer un instant ou lui se retirer avec son fils ou laisser son fils lui parler dans l'oreille ou autre chose semblable avec l'autorisation de cette troisième personne et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Car dans cette situation, cette personne comprendra que c'est un échange personnel entre un père et son fils et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Mais il faut lui demander la permission afin de ne pas le blesser. La deuxième situation où l'interdiction est levée, c'est lorsque se joignent d'autres personnes. Si par exemple, nous sommes trois, et deux d'entre nous veulent échanger concernant un sujet sans le troisième. Alors dans ce cas-là, ils vont attendre que d'autres personnes arrivent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, jusqu'à ce que vous vous mélangiez aux gens. Donc une fois que vous êtes quatre, il est permis à deux des quatre de s'isoler, sans les deux autres, et il n'y a pas de gêne. Et Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a rapporté l'unanimité à ce sujet. Donc il faut bien faire la distinction entre cette question et la question précédente que l'on a mentionnée. L'interdiction, elle concerne trois personnes qui sont déjà ensemble. Il n'est pas permis à deux d'entre elles de s'isoler sans la troisième. Mais si la troisième n'est pas présente au début de la conversation et qu'elle arrive alors que les deux premiers sont en train de s'entretenir et peut-être d'échanger des confidences. Alors dans ce cas-là, on revient à ce que l'on a mentionné précédemment et ce qui est venu dans le récit de Abdullah ibn Umar. Si tu vois deux personnes échanger des confidences, alors ne te joins pas à eux sans leur permission. Donc, il ne convient pas à celui qui entre de s'asseoir à proximité de deux personnes en train de discuter, même s'il est relativement éloigné d'eux, si ce n'est avec leur permission. Car à partir du moment où ils ont commencé une discussion secrètement, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne avec eux, ceci indique qu'ils voulaient échanger des confidences et que personne n'ait connaissance de leur conversation. Donc si tu rentres dans une pièce et que deux personnes s'y trouvent, qu'ils sont en train de discuter, demande tout d'abord si tu peux entrer, s'il n'y a pas de gêne. Car il se peut qu'ils soient en train de discuter d'une discussion privée. Et avant de terminer ce sujet, concernant les discussions secrètes, les confidences, il est nécessaire de souligner une chose très importante, qui est que les conversations secrètes ne sont permises que si le sujet de ces conversations est permis ou louable. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « La khayra fi kathirin min najwahum » Il n'y a aucun bien dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes. Il n'y a pas de bien. Pourquoi il n'y a pas de bien? Car la plupart du temps, les conversations secrètes sont des conversations liées à la médisance, liées à la calomnie, ou liées aux paroles futiles qui peuvent devenir nuisibles et faire tomber la personne dans le péché. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, illa man amara bi sadaqa. Sauf si l'un d'eux ordonne une aumône, ou ma'rouf, ou une bonne action, ou islahim bayna an-nas, ou une conciliation entre les gens. Il tient une discussion secrète et son objectif est de concilier entre des personnes. Donc dans ces situations, c'est une bonne chose. Et ceci est un acte louable pour lequel il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit dans la suite du verset « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » Et quiconque fait cela cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense immense. S'il tient une discussion secrète pour ordonner une aumône, organiser un acte de bien, appeler à une bonne action, réconcilier entre des gens qui sont en conflit, s'il fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, cherchant l'agrément et la satisfaction d'Allah, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une récompense immense. Mais s'il tient une conversation secrète pour comploter contre son frère, pour le dénigrer, pour médire à son sujet, alors dans ce cas-là, il est dans le péché. Wallahu al-musta'an. Revenons donc au passage du livre où nous en sommes, et l'auteur, rahimahullah ta'ala, y a mentionné un point concernant la démarche qu'il convient à la personne d'adopter. Et il a dit, rahimahullah, « Faslun wa yukrah al-khuyala wa zahwu fil-mashi » Et il est détestable de faire preuve d'orgueil, d'arrogance ou de vanité dans sa démarche. Il y a certaines démarches qui, lorsqu'elles sont adoptées, on ressent que la personne se sent supérieure. Elle fait preuve d'arrogance, de vanité. Elle est fière. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit ici que cela est détestable. Et d'autres savants ont mentionné que ceci est en réalité interdit. Car la vanité et l'orgueil font partie des grands péchés, que cela se manifeste dans les paroles ou dans les actes. Et ce en raison des nombreux textes rapportés à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Allah a dit, l'orgueil est mon manteau et la fierté mon pagne. Celui qui me dispute l'un d'eux, je le jetterai dans le feu. Donc on voit que ce hadith nous indique un châtiment pour celui qui dispute une de ces caractéristiques qui font partie des caractéristiques propres à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, il n'a pas à se sentir supérieur, il n'est pas supérieur. Mais il doit plutôt faire preuve d'humilité et de modestie. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَإِنَّمَا يَمْشِي قَزْدًا » Mais il ne marche qu'avec modération, avec modestie, avec calme et sérénité, en faisant preuve de quiétude. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, comme on le trouve dans les recommandations de Luqman le sage à son fils. « وَقَسِدْ فِي مَشْيَكِ » Et fais preuve d'humilité dans ta démarche. Marche avec calme et sérénité. Ne t'empresse pas, ne fais pas preuve d'arrogance ou de fierté. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا Et ne foule pas la terre avec orgueil. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ Tu ne fendras jamais la terre. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا Et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. Tu n'es qu'une créature minuscule. Lorsque tu marches, tes pas ne vont pas fendre la terre. Tu n'es rien. Et à côté des montagnes, tu n'es qu'un être minuscule. Tu n'as pas à te sentir supérieur et à faire preuve de vanité et d'orgueil. Et ceci au contraire, aux caractéristiques desquelles sont parés les serviteurs du Tout Miséricordieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans son noble livre. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec modestie, avec humilité. Donc ceci est la démarche qui est légiférée et recommandée. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, فَإِنَّ الْخُيَلَى مِشْيَةٌ يُبْرِدُهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ Et certes, l'orgueil, l'arrogance, la vanité est une démarche qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, sauf entre les deux rangs, c'est-à-dire lors du combat, lorsque les deux troupes se rencontrent. Dans ce cas-là, il est permis à la personne de manifester de l'arrogance et de la vanité, afin de dédaigner l'ennemi. Et on rapporte un hadith à ce sujet. D'après Jabir ibn Atik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-khuyala ma yubghidullah wa minha ma yuhibbullah » Certes, il y a parmi l'orgueil, parmi l'arrogance, parmi la vanité, ce qu'Allah déteste et ce qu'Allah aime. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste cela, mais dans certaines situations, il aime que la personne manifeste un certain dédain, une certaine arrogance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cela. Et il dit, quant à l'arrogance qu'Allah aime, c'est le fait que l'homme fasse preuve de fierté, qu'il soit fier de lui, qu'il fasse preuve d'arrogance lors du combat, lorsqu'il entre sur le champ de bataille, qu'il y entre avec enthousiasme et force et fermeté, et qu'il dédaigne et méprise l'ennemi afin de faire entrer la peur dans son cœur. Donc ceci est une chose qu'Allah aime, et ce n'est pas un comportement blâmable, car l'objectif est d'effrayer l'ennemi, et d'encourager également les troupes et les soldats qui sont à ses côtés. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le dédain lors de l'aumône. Le dédain lors de l'aumône, qu'est-ce que cela signifie? Les gens de science ont dit que cela signifie que la personne donne l'aumône de bon cœur, d'une poitrine apaisée, sans donner de l'importance à ce qu'elle donne. Elle ne va pas rappeler ses dons à ceux qui en ont bénéficié, et même si ses dons sont abondants, à chaque fois qu'elle donne, elle a le sentiment qu'elle n'a rien donné. C'est-à-dire qu'elle dédaigne cela au moment de l'aumône. Ne se vante pas de son aumône, elle ne la rappelle pas à ceux qui en ont bénéficié, mais elle considère qu'elle n'a rien fait. Et ceci est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'orgueil, l'arrogance ou la vanité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, c'est le fait d'être fier dans la transgression, ou d'être fier de la transgression. C'est-à-dire qu'une personne transgresse, elle tue quelqu'un, elle vole les biens de quelqu'un, elle cause du tort à quelqu'un, et elle s'en vante, elle est fière. On trouve certaines personnes qui agissent ainsi. Ils vont commettre une injustice, ils vont frapper quelqu'un, insulter quelqu'un, et ils vont s'en vanter ensuite. Et ils vont parler de cela avec fierté. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ainsi de suite, et ils s'en vantent. Et ça, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et c'est une caractéristique de laquelle le croyant doit s'éloigner et se préserver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, revient à une politesse concernant les assises avec les gens et le comportement à avoir vis-à-vis d'eux. Et il a dit, rahimahullah, faslun, wa min makarim il akhlaq, at-taghaful. Et il fait partie des nobles caractères de faire preuve d'inattention. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il se peut que lorsque tu te réunis avec les gens dans une assise, il apparaisse de certains d'entre eux une chose qu'ils auraient aimé éviter. Il se peut que quelqu'un, en s'asseyant, découvre sa aura par inadvertance. Il se peut qu'il arrive à une personne une chose qui pourrait être honteuse, comme un vent ou autre. Ou alors il se peut que la personne fasse preuve de maladresse, qu'elle renverse de l'eau ou une boisson sur elle, qu'elle fasse tomber de la nourriture sur elle, qu'elle mange et que de la nourriture sorte de sa bouche, ou autre chose semblable qui peuvent être gênantes pour la personne à qui cela arrive. Et dans ces situations, il fait partie du noble comportement et des nobles caractères que tu sois inattentif à cela, que tu t'occupes par autre chose. Si par exemple c'est une chose qui est visible sur ton frère, sur son visage par exemple, ou sur ses vêtements, afin de ne pas le mettre dans la gêne, tu ne le regardes pas. Mais tu regardes autre chose, et tu orientes le regard des gens présents vers autre chose en parlant d'une chose qui se trouve dans la pièce par exemple, afin qu'il se détourne de lui et qu'il puisse réparer sa maladresse discrètement, et qu'il ne soit pas gêné. Et si c'est une chose audible, alors tu fais comme si tu ne l'avais pas entendu. Et tout ceci fait partie du noble comportement duquel il convient aux musulmans de se parer. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Le fait d'être inattentif au faux pas, c'est que lorsque tu vois de quelqu'un un faux pas dont la législation n'exige pas que tu lui reproches, c'est-à-dire ce n'est pas un péché qu'il a fait, car le péché il est obligatoire de lui reprocher, mais c'est une chose qui n'exige pas cela. Alors tu laisses montrer, tu laisses paraître que tu ne l'as pas vu, afin de ne pas mettre son auteur mal à l'aise de ne pas le mettre dans la gêne et lui éviter de chercher à s'excuser. Donc on voit que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a fait ici une distinction entre deux choses. Les choses qui sont reprochables religieusement et celles qui ne le sont pas. Ce qui est reprochable religieusement, on ne doit pas être inattentif à ce sujet. Tout ce qui touche à la religion, et plus particulièrement ce qui touche aux obligations religieuses ou à la transgression des interdits. Il n'est pas permis d'être inattentif à ce sujet, car il est obligatoire pour le croyant d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Celui parmi vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main, s'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur, et ceci est le minimum exigé par la foi. » Donc à ce sujet, il n'est pas louable d'être inattentif. Au contraire, celui qui est inattentif à cela, il a manqué à son obligation. Car la législation exige que tu adresses des reproches à celui qui délaisse une obligation religieuse ou qui transgresse un interdit. Mais si une personne fait un faux pas ou une erreur concernant une chose mondaine, alors dans ce cas-là, il convient d'être inattentif. Et c'est à ce sujet que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ التغافل عن ظهور مساوئ الناس. Il fait partie des nobles caractères d'être inattentif à l'apparition des défauts des gens. وما يبدو في غفلاتهم. Et ce qui apparaît dans leurs moments d'insouciance. من كشف عورة. Comme le dévoilement de la nudité. أو خروج ريح لها صوت. Ou la sortie d'un vent qui provoque un bruit. Aurih, ou un vent, c'est-à-dire qu'il y a une odeur. وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَأَظْهَرَ الطَّرَشَ. Et celui qui entend cela et qui laisse penser qu'il a un problème d'audition. وَأَظْهَرَ النَّوْمُ. Ou qu'il montre qu'il est en train de dormir. Il fait semblant de dormir ou d'être somnolent pour laisser penser qu'il n'a pas fait attention à ce qui vient de se produire. وَأَوْ الْغَفْلَ. Ou qu'il est insouciant tout simplement. لِيُزِيلَ خَجَلَ الْفَاعِلِ. Afin de dissiper la honte ou la gêne de l'auteur de cela. كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. Alors ceci fait partie des nobles comportements. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a un jour confié un secret à une de ses épouses. Et celle-ci l'a divulgué à une autre de ses épouses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de cela. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à son épouse à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a agi de la manière suivante. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. Il lui en fit connaître une partie et passa sur une autre partie. Il lui en fit connaître une partie et passa sur une autre partie. Il fit preuve d'indulgence. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il reprocha ce qu'il y avait à reprocher, mais il fit preuve d'indulgence concernant le reste. Et il ne fit pas comme le font les gens aujourd'hui qui demandent des comptes sur la moindre virgule. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours en conflit et en discorde. Car ils ne pratiquent pas ce noble comportement, at-taghafoul, l'inattention, de laisser passer certaines choses. On rapporte d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit « Aucune personne noble ne va t'analyser, selon le sens de sa parole. » La personne noble, elle ne va pas t'analyser. Elle ne va pas t'observer à la loupe. Mais elle fait preuve d'inattention et elle laisse passer beaucoup de choses. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet de ce noble comportement. On lui a dit « J'ai entendu que Al-Afiya, le salut, était composé de 10 parties. Et 9 d'entre elles se trouvent dans l'inattention, at-taghaful. » Alors il a dit, rahimahullah, Al-Afiya, le salut, est composé de 10 parties. Toutes se trouvent dans At-Taghaful, toutes se trouvent dans l'inattention. Le fait d'être indulgent, le fait de ne pas demander des comptes pour le moindre mot, le moindre souffle, le moindre regard, la moindre parole, mais de laisser passer certaines choses, dans le but d'atteindre la concorde, et de ne pas être sans cesse en discorde et en conflit, et également dans le but de ne pas mettre les gens dans la gêne s'ils font un faux pas ou qu'ils commettent ou agissent d'une manière qui peut être gênante par inadvertance. Certains ont été interrogés concernant la grandeur d'âme. Qu'est-ce que la grandeur d'âme? Et ils répondirent, c'est le fait d'être inattentif aux faux pas de tes frères. Tu laisses passer leurs faux pas, tu ne leur en tiens pas rigueur. On parle, comme on a dit, des choses mondaines, non pas des transgressions, des interdits ou le délaissement des obligations religieuses. Tu laisses passer les faux pas de tes frères, tu ne leur en tiens pas rigueur, tu fais preuve d'inattention à ce sujet. Et concernant ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, s'il arrive à une personne d'avoir un vent lors d'une assise, il ne convient pas de rigoler ou autre chose semblable. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté et blâmé ceux qui se sont mis à rire suite à cela. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'un d'entre vous rit de ce qu'il fait? C'est-à-dire que ce qui arrive à cette personne peut arriver également. Donc tu n'as pas à en rire. Mais au contraire, tu dois manifester de l'inattention. Faire comme si tu n'avais rien entendu, comme si tu n'avais rien vu, afin de ne pas gêner ton frère ou ne pas gêner ta sœur. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a rapporté un beau récit à ce sujet, qui est le récit de Hatim al-Asam, rahimahullah. Hatim, le sourd. Et dans ce récit, on voit une explication de ce surnom. Il a donc dit, rahimahullah, qu'une femme est venue à Hatim, rahimahullah, afin de lui poser une question, lui demander un avis juridique. Et alors qu'elle lui parlait, un son est sorti d'elle. Elle fut alors prise de gêne. Et Hatim, rahimahullah, il lui dit alors, parle plus fort, afin de lui laisser penser qu'il ne l'entendait pas et qu'il était malentendant. La femme se réjouit alors et pensa qu'il n'avait pas entendu ce qui s'était produit. Et on dit que c'est pour cela qu'il a été surnommé Hatim al-Asam, Hatim le sourd ou le malentendant. Donc vous voyez le noble comportement des savants, rahimahumullah ta'ala. Et ceci est un comportement duquel il convient aux musulmans de se parer. N'analyse pas tes frères, n'analyse pas tes sœurs. Ne te mets pas à rire à la moindre maladresse d'une personne. Si une personne glisse, ou tombe, ou fait un faux pas, ne te mets pas à rire, car à toi aussi cela peut arriver. Et si tu te mets à rire, tu vas la mettre dans la gêne. Et la mettre dans la gêne s'oppose au noble caractère et au bon comportement. Et de la même manière, si une personne vient à découvrir sa aura par inadvertance, fais comme si tu n'avais rien vu. Ne la mets pas dans la gêne, car cela est une chose qui est gênante. Et bien sûr, on parle ici si cela ne concerne pas les actes religieux. Car si tu vois une personne qui laisse découvrir sa nudité en prière, par exemple, alors il fait partie du commandement du bien et de l'interdiction du mal de l'avertir à ce sujet et de l'informer, car ceci invalide sa prière. Ceci est un autre sujet. On parle ici de la personne qui va se découvrir en s'asseyant, en se levant ou en s'assoupissant. Tu ne tiens pas compte de cela et tu ne fais. Tu ne tiens pas compte de cela et tu fais comme si tu n'avais rien vu afin de ne pas la gêner. On a donc terminé avec ce passage du livre et on verra dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala, les 10 pratiques inhérentes à la fitra, la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين